Ndiko Banyanga. Bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 5 février 2019, dont voici d'abord les principaux titres. Célébration ce mardi du 28e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, et le chef de l'État Pierre Nkurunziza a précisé dans son discours à la Nation que c'est une occasion de rendre hommage à nos ancêtres qui ont préservé l'unité nationale. Et le ministre de l'Intérieur de la Formation Patriotique a suspendu le bureau du Conseil communal de Mutimbuzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. C'est après que le conseil de cette commune ait récemment suspendu temporairement l'administrateur l'accusant de mauvaise gestion du trésor communal. Et la chronique santé de ce mardi sera consacrée à la goutte, une maladie inflammatoire extrêmement douloureuse de l'articulation. Eli Kadoga sur la mise en onde. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par cette célébration du 28e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. La Charte de l'Unité Nationale, donc, était dans les slogans uniquement. Ceci a été dit ce mardi par le président de la République au chef-lieu de la province Gitega lors des cérémonies marquant le 28e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Pierre Nkurunziza a fait savoir que c'est avec la signature des accords d'Arusha et de cesser le feu que la solution a été trouvée, mettant en place un gouvernement inclusif. Les détails avec Arthur Kavabouchi. Dans cette cérémonie de commémoration du 28e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale qui ont eu lieu au chef-lieu de la province de Gitega, le président de la République, Pierre Nkurunziza, a fait savoir que qu'en 1991, lors de la signature de cette charte, sont manifestés dans les slogans et dans les symboles, et ce qui a fait que les Burundais n'avaient pas le vrai médicament. Pierre Nkurunziza a indiqué que le médicament contre les divisions a transité par les accords d'Arusha et de cessez-le-feu signés en 2003, ce qui a fait que ça a donné le vrai remède aux Burundais, étant donné qu'il y a une formation d'un gouvernement d'union nationale faisant disparaître les divisions à caractère régional. Le président de la République a souligné que cette fête du 28e anniversaire est exceptionnelle pour deux raisons. Premièrement, c'est que ça arrive après que les Burundais aient mis en place leur propre constitution, ce qui a fait revenir l'unité avec Dieu et cette constitution a été ratifiée à Gitega. Deuxièmement, c'est que dans le passé, Gitega était la capitale politique et que même la loi portant fixation de la capitale politique Gitega actuellement a été promulguée ce lundi. Ces cérémonies ont débuté par le dépôt du arbre de fleurs au monument de l'unité nationale par le président ainsi que les ambassadeurs accrédités à Bujumbura. Il y avait également les représentants de la Banque africaine pour le développement. Pierre Nkurunziza a reçu 11 vaches et différentes sortes de vivres offertes par le gouverneur de la province Gitega, accompagné de tous les 11 administrateurs communaux au palais de Gitega. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Arthur Kavabouchi, les Burundais devraient avoir un esprit disposé à pardonner pour arriver à l'unité recherchée. Tels sont en substance les propos du délégué de l'église Pentecôte aux cérémonies marquant la fête de l'unité nationale au chef-lieu de la province Ruigi. Ce pasteur appelle en outre les Burundais à ne pas faire le mal pour qu'ils puissent léguer un bon avenir aux enfants. Les détails avec Jean-Claude Chimilman. Lors de la prière d'ouverture des cérémonies de dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'unité au chef-lieu de la province Ruigi, le pasteur Chatrake Hakizimana, délégué de l'église Pentecôte à ces cérémonies, a exhorté les Burundais à pardonner. Toutes personnes devraient avoir un esprit disposé à pardonner, parce que si toutes personnes pardonnaient, cela permettrait la réalisation de l'unité recherchée. En se référant à la Bible, pasteur Chatrake Hakizimana a montré comment Joseph n'a pas pas songé à se venger contre ses frères qu'il avait vendus. Si c'était quelqu'un d'autre, comme il était parti encore jeune, après les avoir reconnus, il allait profiter de la retrouvaille pour leur faire le mal qu'il voulait, surtout qu'il était vice-roi selon la Bible. Mais il a senti la compassion, s'est rapproché d'eux et leur a donné des provisions. Selon son pasteur, les mauvais actes que nous commettons ont des retombées négatives non seulement sur nous, mais aussi sur notre progéniture et estime que nous devrions léguer un bon avenir à nos enfants. Nous devrions léguer un bon avenir à nos enfants pour que nos enfants ne soient pas victimes de nos mauvais actes. Lors de ces cérémonies, en plus des représentants des institutions de l'État en tête desquelles se trouvait Deogi Derulema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, à même étant parrain de la province Ruigi, les représentants de quatre partis politiques, à savoir le CNDD, FDD, l'UPRONA, le FRODEBU et le FNL Ubugabulihabga, ont eu aussi déposé des gerbes de fleurs au monument de l'unité. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur a pris une décision de dissoudre le bureau du conseil communal de Mutimbuzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Cela ressort de l'ordonnance du ministre de l'Intérieur sortie ce lundi 4 février portant invalidation de la décision du gouverneur de Bujumbura suspendant les conclusions du conseil communal de Mutimbuzi. Ce conseil est invité à élire d'autres nouveaux organes dirigeant la commune dans 15 jours. Le contenu de cette ordonnance avec Moïse Misago. Dans cette ordonnance ministérielle de ce lundi, il est mentionné que le rapport des enquêtes faites montre que les accusations à charge de M. l'administrateur communal de Mutimbuzi, Damien Barindambi, sont accablantes et ont causé des préjudices considérables à la commune sous ses responsabilités. Les arguments avancés par le gouverneur de Bujumbura de suspendre la délibération du conseil communal de Mutimbuzi sont moins considérables par rapport aux accusations portées contre l'administrateur communal, souligne cette ordonnance ministérielle. Et d'ajouter que la décision du gouverneur de cette province de suspendre les conclusions du conseil communal de Mutimbuzi est annulée. Toujours dans cette ordonnance, le ministre considère que la situation conflictuelle entre les organes dirigeants de la commune Mutimbuzi paralyse le fonctionnement de l'administration. Le ministre Barandaguié ordonne la démission du président et le vice-président du conseil communal ainsi que l'administrateur de Mutimbuzi dans leurs fonctions. Il invite les membres du conseil communal de cette entité administrative à élire le nouveau président et vice-président ainsi que le nouveau administrateur communal en dehors 15 jours. Cela est ainsi au moment où le conseil communal de cette commune avait décidé le 20 décembre 2018 de suspendre de ses fonctions Damien Barindambi, administrateur communal de Mutimbuzi, l'accusant de mauvais gestionnaire des affaires communales. De son côté, cette autorité administrative avait rejeté toutes ces accusations portées contre lui, arguant qu'il est victime d'avoir refusé l'octroi des parcelles aux membres du conseil communal. Merci à Moïse Misago. Page sécurité, une personne qui exerçait le métier de transport à vélo a rendu son âme cet après-midi fusillée par un policier sur l'avenue Muyinga devant la zone urbaine de Rohiro. Certaines sources sur place indiquent que ce policier a voulu prendre par force le vélo de ce transporteur. Voué à l'échec, il a tiré à bout ou portant. Suivez les témoignages des personnes trouvées sur place. Il a été fusillé parce qu'il a osé exercer son métier au centre-ville de Bujumbura, spécialement en zone urbaine de Rohiro. Le comportement de ces policiers nous a étonnés souvent. Au lieu d'attraper les voleurs, ils arrêtent les innocents qui vivent selon leurs forces. Nous voudrions savoir l'origine de cette situation. Notre souhait est que la sécurité des conducteurs des vélos soit garantie ou bien de nous montrer l'autre métier à faire car nous sommes frustrés. Nous avons constaté que les policiers ont des mauvais comportements. Ça fait quelques jours, on nous frappe pour rien sur notre parking, communément appelé OTB Saint-Michel. Mais sur la route Muyinga, on n'a pas encore demandé de l'argent. Grâce au refus de les octroyer d'argent sur le parking dernièrement cité, ils sont venus ici. C'est dommage aujourd'hui. Il avait pu les échapper, mais à cause de la colère, il a pris la décision de refuser. On ne sait pas la cause, mais ça peut être le verrou, car s'il saisit le verrou, l'impact revient à nous. Nous demandons la liberté de travailler parce qu'on ne voit pas les accusations. En plus, le métier de taxi-vélo, c'est un travail fatigant. Nous sollicitons les autorités administratives de reconnaître notre importance, car la pénurie des carburants s'observe. Nous aidons les gens de classe moyenne à se déplacer. Le vélo de son conducteur était stationné là-bas à l'avenue Muyinga. Des policiers, dont l'un en tenue civile, sont venus pour l'arrêter. Puis celui qui était habillé à l'uniforme policier a tiré sur le taxi-vélo qui ralentit son âme sur le champ. L'on n'a pas eu la version de la police à ce sujet. Une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. SOS à présent est montant de 1 809 000 francs burundais. Tel est le montant nécessaire pour que Nishu Daniel, âgé de 11 mois, ayant une malformation cardiaque, puisse aller se faire soigner à l'étranger. Une maladie confirmée par un cardiologue qu'il a suivi. Sa mère, Nzeyimana Chantal, dit ne pas avoir assez de moyens et demande à toute âme charitable d'aider dans ce transfert à l'association. Le bon samaritain qui suit de près le dossier fait savoir que des médecins se trouvant en France ont accepté la prise en charge des détails avec Emery Kanyank. Nishu Daniel aura une année le 15 mars de cette année. Il a une cardiomégalie et l'opération nécessite une prise en charge non faisable au Burundi, comme le montre le rapport médical du cardiologue de la maison médicale. La mère de ce petit, Chantal Nzeimana, fait savoir qu'il pleure tout le temps et d'une respiration inhabituelle. À l'association Le Bon Samaritain, suivant le dossier de tels enfants, l'on précise qu'une somme d'1 809 000 francs burundais est nécessaire jusqu'au 15 mars pour que cet enfant puisse aller jusqu'à Nantes en France. Alexis Boutoyi en est le représentant légal. Il faut que des documents comme le passeport, le visa, le billet d'avion et autres documents nécessaires d'une valeur de 1 809 000 francs burundais. Cette somme est nécessaire avant le 15 mars pour qu'on puisse avoir le temps suffisant de chercher son visa et de préparer son départ vers la France. Pour toute âme charitable, il est prié d'appeler au 68 715 291, contact de la mère, passez à la radio Isanganiro ou à l'association Le Bon Samaritain. À la source, reportage. Et manqué d'eau propre s'observe en commune Ruhororo de la province Ngozi. Des habitants se plaignent surtout de la situation au centre de santé Burasira. De temps en temps, ils sont obligés d'amener de l'eau lors de certaines consultances, voire quand il faut avaler et décomprimer. L'administration nie que la situation en est jusque-là, même s'il reconnaît l'existence de cette problématique et promet une solution pour bientôt. Léon Sebitariho s'est rendu sur les lieux, son reportage. Sur la colline Gitaramuka, cellule de Gahanga, place des marchés modernes, l'administrateur communal est en réunion avec sa population. L'un des habitants évoque la question en rapport avec le manque d'eau qui semble trop durer jusqu'au centre de santé, précisément à Burasira. La foule acclame comme si plusieurs se sentaient touchés. Des gens affirment que les patients sont parfois obligés d'amener de l'eau à certaines circonstances, voire quand il s'agit d'avaler des comprimés. Je suis allé au centre de santé avec ma femme qui allait mettre au monde. J'ai dû amener aussi un bidon de 20 litres d'eau. Moi aussi, j'ai amené un patient mercredi. Un infirmier m'a dit qu'il n'y a pas d'eau car il fallait qu'il avale un comprimé sur le lien. Il a précisé qu'en ces jours, il n'y a pas d'eau, que toute personne qui amène son enfant doit avoir un gobelet d'eau. Je dis aller en demander dans un ménage tout près. Il n'y a pas qu'au centre de santé. La situation est ainsi même dans les écoles. Il faut que les enfants amènent de l'eau à utiliser après le repas mais tout de même, ils sont nourris via des cantines scolaires. C'est bon, la mesure du président. Nos enfants mangent à l'école, mais le manque d'eau est un grand problème. Ils doivent amener un petit bidon d'eau à boire. L'eau des robinets peut surgir quelquefois. Seulement, les habitants dénoncent le fait que ce ne soit pas tout le monde qui est servi. Seulement les mieux nantis, disent-ils. Je ne sais pas la cause, mais on en trouve uniquement chez les mieux nantis. Nous, les citoyens lambda à Gahanga, on est obligés de parcourir 3 km à la recherche des sources d'eau. Après la réunion à Gahanga, l'administrateur communal se dirige vers le centre de santé de Burasira pour s'enquérir de la situation. Constat, l'eau des robinets manque effectivement, comme l'affirme le titulaire adjoint du centre, Pacifique Simbananié, qui indique alors que l'on s'arrange autrement. Quelqu'un est payé pour la puiser. Il n'est pas question que les patients amènent leur propre eau. Il y a un manque d'eau, mais ce que vous a dit que pour avaler des comprimés, on va amener d'eau, c'est vraiment faux. Parce que ici, il y a un stock d'eau. Chaque jour, on amène d'eau pour que les patients puissent avoir d'eau ou faire une douche. C'est pourquoi cette argumentation est fausse. L'administrateur communal est au courant de la question. Ma mère Tebilu Kundi tranquillise, la réhabilitation d'adduction a déjà commencé, quitte à ce que l'eau puisse réapparaître sous peu. C'est via les 500 millions de francs burundais que le gouvernement octroie annuellement aux communes. Nous connaissons ce problème d'eau il y a 2 mois, mais avec le budget octroyé par le gouvernement, les 500 millions, on est en train de réhabiliter cette addiction d'eau, Gatare, Burasira, Gatare, Kabuye. Je pense que dans 2 semaines, l'eau sera disponible. On attend d'ici 1 semaine, l'eau sera sur le CDS Burasira. Plusieurs étangs d'eau sont implantés dans la région de Ruhororo. Les habitants se disent étonnés de passer autour de 3 mois sans aucune goutte d'eau des robinets. Radio Isanganiro, chronique santé. Vous venez de l'entendre, c'est le moment de suivre la chronique santé de chaque mardi. La goutte est une maladie inflammatoire extrêmement douloureuse de l'articulation. Elle est due à un excès d'acide urique dans le sang, comme l'indique la rhumatologue Angélique Nyokindi. Elle indique également que la goutte est fréquente chez les hommes de plus de 30 ans. Et rarement chez les femmes après la ménopause. Les détails dans cette chronique santé signée Ornella Mucho. La maladie de la goutte attaque une seule articulation et le plus souvent le gros orteil à cause de l'acide urique provenant des aliments riches en protéines. Cela est dit par la rhumatologue Nyokindi Angélique qui explique qu'à part une douleur intense, une inflammation ainsi qu'un gonflement au niveau de la zone atteinte, c'est d'abord le gros orteil qui est atteint, mais aussi une autre articulation comme au niveau des articulations des doigts, du poignet, de la main, de la cheville ou des genoux. Et cette douleur se déclenche pendant la nuit le plus souvent ou bien vers le petit matin. C'est surtout après cette prise d'aliments riches en purines ou bien d'alcool. Et la personne va se lever en se voyant qu'elle ne peut pas mettre le pied par terre. Et sinon, en cas de goutte chronique, on a des complications sous forme de tophi avec des déformations articulaires si la goutte a traîné. Docteur Nyokindi Angélique nous explique ce qui caractérise le gonflement d'une jambe en cas de goutte. C'est un gonflement au niveau de l'articulation. On va trouver le genou qui est gonflé, ou bien la cheville qui est gonflée, ou bien le gros orteil qui est gonflé, alors que le reste de la jambe ou du membre inférieur est normal. S'il y a un gonflement de tout le membre inférieur, ça veut dire que ce n'est pas la goutte. Il faut chercher ailleurs. La goutte touchait beaucoup plus les hommes âgés de 35 ans et plus. Docteur Nyokindi nous l'explique. Il y a une fréquence très élevée chez les hommes pléthoriques qui ont un gros poids et qui ont un âge qui est supérieur à 35 ans. Sinon, chez les femmes, c'est surtout après la ménopause. Mais aussi, on peut trouver quelques femmes avant la ménopause, mais d'après les études qui ont été faites, c'est qu'on a trouvé que c'est chez les hommes. Mais on évoque une notion d'hormones, une notion de génétique. Le les hommes et les femmes ne sont pas constitués des mêmes hormones. Et en plus, la femme en activité sexuelle, en âge de reproductivité, elle perd dans sa règle de la pyrine. Et c'est dégradation de la pyrine qui sont responsables de l'accumulation de la sidérique, responsable de la crise de goutte. La consommation des aliments riches en protéines et les bières alcoolisées et non alcoolisées sont certains des facteurs qui causent la goutte. La goutte n'a pas de cause bien définie, mais plutôt il y a des facteurs favorisants. On peut citer des aliments riches en protéines, surtout animales. Ce sont des aliments qui sont riches en purines. L'exemple, c'est les choux, c'est les haricots. C'est de la bière, toute bière, que ce soit alcoolisée ou non. C'est le Coca-Cola, c'est du vin, surtout le vin rouge. C'est aussi des médicaments comme les diurétiques qu'on utilise dans les maladies cardiaques ou qui sont utilisés en cas d'insuffisance rénale. Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons des conséquences néfastes qui s'observent chez le patient une fois que la goutte n'est pas soignée comme il faut. C'est par ici que se referme cette édition. Bonne soirée et bonne nuit chez vous. Au revoir.